Salut, salut la radio, on est en direct tout de suite et il y a Antoine à l'autre bout d'un des fils des micros qui se trouve loin et qui probablement risque de dire des choses sans savoir qu'on est déjà en direct. Bonjour Camille. Bonjour, bonjour. C'est bon, ça va commencer. Ah voilà, bon, alors c'est juste pour vous présenter rapido, on va commencer exceptionnellement ce matin avec la minute sonore, ça se passe dans la salle de jeu et il s'agit de plusieurs minutes sonores qui ont été réalisées avec plusieurs classes d'élèves du primaire, rejoints par Eclecto et dirigées donc par Dorian Fréteau et Jeanne Larouturou. Et donc nous avons notre envoyé spécial qui se trouve sur place pour vous faire écouter ce qu'il se passe. L'école Michel Ducré s'est portée volontaire pour participer et surtout le festival Archipel a accepté de nous accueillir ici à la maison du Ménage. Le festival Archipel dure encore pendant plusieurs jours, vous êtes aussi bienvenus pour écouter d'autres volontaires. Donc la minute sonore, c'est en fait une application que vous pouvez trouver, on a des petits prospectus, une application sur laquelle il y a des compositions de 1 minute. Donc vous pouvez, c'est des compositions faites soit par des musiciens professionnels, soit par des classes, soit par des amateurs. Donc, ce matin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré les minutes avec Nadane et Louis. Elles vont être mises sur l'application. Donc, vos enfants, les enfants aussi, sont les compositeurs de minutes sonores qui seront écoutables sur Internet. Ces minutes, on les avait préparées en école avec Dorian. On était venus à l'école de Chypre il y a 2 semaines. Donc, je remercie vraiment l'école pour l'accueil, les enfants qui se sont très bien souvenus de toutes les compositions et qui ont très bien joué le jeu. Et donc maintenant, on va vous faire une petite performance en mettant bout à bout toutes les minutes qu'on va composer. Donc il y aura des minutes des cléptos, des minutes des enfants et une minute tous ensemble. Voilà, il n'y a rien d'autre à savoir, vous ouvrez donc vos oreilles. Nous, on va essayer d'être bien concentrés et de faire un beau concert. On a aussi la radio du festival qui nous enregistre en temps réel. Donc bonne performance. Thank you. C'est sur ces bruits délicats de bâtons de pluie que nous allons quitter le concert de la minute sonore. On entend bien que la relève de la percussion contemporaine est assurée.